Wesh les amis, tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Krolanta, votre podcast qui revient sur l'actualité de l'émission Koh-Lanta. Et alors cette semaine, je suis avec Lucas, puisque nous sommes libérés du joug du maléfique Franck. Enfin, quel bonheur. Enfin. On va pouvoir continuer à dériver et à faire tout ce qu'on veut n'importe comment, en s'en battant les couilles. Et alors, comme d'habitude, on va commencer par la super minute... La super minute qui résume ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Tu l'as préparé toi, Louis, ou pas? Ah non, mais on va laisser Sonia la faire, comme d'hab. Ah bah oui, c'est vrai, Sonia est là. Salut Sonia. Nouvelle spécialiste. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Et vous? Eh bah écoute, nous aussi. Ouais. J'espère que t'as révisé, parce que là, la dernière fois, c'était une catastrophe. Hein. T'as complètement dépassé, donc cette fois-ci, vraiment... Non mais attends, mais j'ai trouvé. Je sais ce qu'elle a fait, cette petite maline. Elle a pris le résumé Wikipédia. Ah, d'accord, voilà. Moi, on me la fait pas, moi, Sonia. Je suis une spécialiste Wikipédia. Espèce de petite maline, va. Comme diraient nos profs de primaire, attention, parce que sur Wikipédia, il y a toujours des erreurs. Allez, t'es prête? 3, 2, 1... Lucas, tu n'as pas donné le go. Attends, Sonia, arrête-toi. Il y a quelqu'un. Louis, tu peux aller ouvrir la porte, s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'y vais. Comme Kelly, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour afin de préserver Koh-Lanta de la dévastation, afin de reprendre les rênes de l'émission, afin d'écraser les bleus et votre médiocrité, afin d'étendre mon pouvoir jusqu'à la voie lactée. Franck, élocution plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Sonia, oui la guerre. Wow, il a dit son nom de famille. Il a dit son nom de famille, encore. Sonia, t'étais avec lui depuis le début. Et oui, les boulets, c'est Franck Bib qui m'avait envoyé. Bon, là, on vous cache pas la surprise énorme dans les... Je vais rester courtois, hein, pour ce que vous m'avez fait la semaine dernière, c'était pas très sympa. Mais je vais rester courtois. Excuse-nous, Franck, on serait ravis que tu reviennes dans le podcast avec nous. Alors ça, Louis, c'est pas parler, c'est crier. Hein. Non, moi, je pense qu'il faut quand même... C'est vrai que, bon, Franck, on a été cruel avec toi. Donc, est-ce qu'on s'excuse, Louis? On s'excuse, ouais. On s'excuse. Parce que en plus, aujourd'hui, on voudrait pas gâcher la fête, parce que c'est un jour de fête, quand même. Oh, oui. Parce que... Ah, c'en est un. Parce que... Puisque... Il est parti. S'est fait éliminer. Il est parti. Attendez. Ouais. Quand je dis Yves, vous dites il est parti. Yves, il est parti. Il est parti. Oh, ce soulagement. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon. Oh, ce soulagement. Alors, c'était notre minute de résumé, ça, au fait. On a oublié de le dire, mais oui, c'était la minute du résumé. C'est la chose à retenir de cet épisode, c'est que il est parti. Mais attends, là, je suis en train de prendre le lead de l'émission et le leader suprême est de retour. Donc Franck, à toi l'honneur. Merci bien, amis aventuriers. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Sous. Ah, voilà, ça fait du bien d'être à la maison. Ça fait du bien d'être retour dans ce beau pays où il fait très froid. Et aux choix électoraux douteux. Comment ça va, mes amis? Bah ça va bien mieux maintenant que t'es là. Ouais, finalement. Franchement, il faut s'avouer, on s'est égaré quoi. C'était un peu des moutons sans leur berger et ben tu vois, je pense que j'ai exactement le même sentiment que toi. Voilà, c'est vrai qu'on a eu un petit égarement, mais quand tu pars en vacances, ça fait toujours du bien de rentrer à la maison. Et bah ben là, voilà, je suis content que tu sois là, Franck. Bienvenue avec nous. Eh ben tant mieux, merci beaucoup. Ah, au sommaire de l'émission aujourd'hui, vous l'avez compris, Yves est parti. C'est vrai, il est parti, mais vous allez voir que ce n'est pas beaucoup de choses dans cette émission. Non. Ce n'est pas le seul à être parti cette semaine, puisque 3 candidats ont quitté l'aventure. Un carnage. L'un d'entre eux est revenu. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les épreuves de confort. 3 épreuves aussi. trois épreuves, effectivement, dont on va parler immédiatement. Du bateau. Et le retour d'un peu d'un autre personnage. On va parler évidemment d'un autre jeu à boire, des tweets de la semaine. Exceptionnellement, il n'y aura pas de quiz cette semaine. On a décidé de changer. C'est comme ça. Honnêtement, parce qu'on avait un petit peu la flemme de le préparer. Du coup, c'est Sonia, cette semaine, qui va débuter une nouvelle chronique dans ce podcast. Et vous allez voir, on a Step Up. Le niveau de cette émission, wow, avec cette chronique, ça sera l'instant Sonia. Bon, on voit quand même que Franck est dans la confidence de Sonia, non, on le savait pas, Louis. C'est ton espionne secrète, elle t'a tout raconté, en fait. Voilà, hein. Et justement, de par son service, elle gagne le droit d'avoir sa propre chronique. Ouais, c'est ça. Pas mal. De toute façon, nous, ça nous arrange, on n'a rien préparé, encore une fois, donc parfait. Voilà, on va pas se mentir, hein. Tout à fait. Alors, je l'annonce, vous m'excuserez de quelques blancs au cas où, puisque je suis en train d'entretenir une conversation Tinder en même temps qu'on enregistre l'émission. Donc... Tout va bien. Autant être honnête, transparent sur l'enregistrement. Soyez pas gauche pour Yves. Bon, et ben écoutez, on va parler tout de suite, après ce petit jingle, de ce qui s'est passé dans cette émission. Alors, qu'est-ce que vous voulez attaquer en premier ? L'élimination de Yves ou alors la vie sur le camp en premier ? Ouais, je pense qu'on peut... Ouais, on va faire un petit... Chronologiquement, finalement. De toute façon, les deux sont liés parce que l'épisode s'ouvre sur l'engueulade entre Yves et Fred. Ça s'ouvre comme ça, il me semble. Hein. C'est ça, qui continue depuis l'épisode. Ouais, là, qui va à un niveau complètement différent parce que Yves accuse Fred de comploter dans son dos pour le faire éliminer. Fred, qui a été le seul chez les Bleus à sauver le cul d'Yves à X reprises... Ouais. Là, c'est dit, mais j'ai vraiment été trop con. T'as vraiment été trop con, mec. C'est cette histoire. Bah, c'est ça, totalement. Ouais. Trop bon, trop con. Exactement. Et du coup, là, il pète un cap complètement. Il commence à s'énerver, à crier sur Yves, qui ne manque pas de lui rappeler ne me crie pas dessus. Ne me crie pas dessus. Oui, c'est ça. En pointant du doigt, avec ses yeux de tueur à gage. Ça, c'est pas parler, c'est crier. Bon, avant, tu discutais avec moi, depuis qu'ils sont arrivés, tu discutes. Ah non, mais pose-toi la question de savoir pourquoi. Ah, j'ai fait que je discute, d'accord. Est-ce qu'on a voté contre toi? Mais non, mais je sais que je vais être le prochain maintenant. Là, tu parles dans tes délires. T'es venu avec moi discuter 3 minutes. Ouais, ça fait 18 jours que je suis là à te tirer du bas vers le haut. C'est moi le plus en forme sur le plan. Mais tu parles n'importe quoi. Yves, qui t'a sauvé au début? C'est moi qui t'ai sauvé. Quand tu pleurais, Non, laisse-moi finir. Non, mais tu me cries pas dessus. Non, mais alors tu me laisses parler. Qui t'a sauvé contre Zidane? C'est moi. Quand tu pleurais, c'est moi qui viens te voir. Pendant les épreuves, c'est moi qui t'ai poussé et tu dis que je te parle pas. Pourquoi je te parle plus? Parce que tu viens, tu me dis, vous allez voter contre moi. Vous, et tu me mets dedans. Moi, je t'ai toujours sauvé. Pourquoi ne me crie pas dessus comme ça? Ne me crie pas dessus. Non, mais il faut être lucide. Ne me crie pas dessus, d'accord? Moi, j'étais honnête avec toi depuis le début. À moi, il n'y a que moi qui t'ai sauvé. Tu craches dans la soupe, il n'y a pas de problème. Moi, je crache dans la soupe. Là, tu craches dans la soupe. Moi, je te le dis. Ne me crie pas dessus, je te le dis. Et c'est vrai que l'ambiance est déjà ultra morose chez les Bleus au moment de partir. Je crois qu'après ça, ils partent quasiment tout de suite sur le... Ouais, c'est ça. Assez expéditif, Que des embrouilles. Parce que, comme on l'a dit, il y a eu trois épreuves, du coup, où ils ont cuté un peu les moments sur les camps. Du coup, effectivement, tout de suite après ça, première épreuve de confort. Louis, tu peux me résumer cette épreuve, s'il te plaît? Pas du tout. Si, je l'ai. Okay. C'est bon, je suis prêt. Je l'ai, je viens de me rappeler. C'est une épreuve qui consistait, comme d'hab, à faire un espèce de parcours d'entraînement, en allant chercher au bout du parcours des sacs de plusieurs dizaines de kilos et à les ramener. Et donc le but c'était d'être la première équipe à avoir ramené tous ces sacs, si je ne m'abuse. Oui, avec eux. Et donc ce qu'il fallait savoir c'était un peu risque récompense. Est-ce que j'en ramène beaucoup en espérant capitaliser sur le voyage ou est-ce que j'en fais plusieurs pour que ça aille plus vite? Alors d'abord avant de commencer, une fois de plus, Manuela tire la boule rouge. Noire, pardon, pourquoi je dis rouge? Ah, parce que j'ai écrit rouge dans mes notes, c'est ça. Ouais, elle tire la boule noire effectivement. Quatrième fois quand même, ça commence à faire beaucoup là. Elle a tellement l'habitude qu'elle garde son calme maintenant, elle s'énerve pas, tu vois. Les mecs qui tirent la première fois, ils s'énervent, elle non, c'est bon, elle ne s'énerve pas. Mais alors, c'est aussi parce qu'elle se sent pas en danger comme Marjorie qui fait semblant d'être triste de pas participer à l'épreuve alors qu'elle est contente parce que ça lui évite de donner raison de s'énerver. Ouais. Bref, donc... Il y a un truc que t'as oublié de dire, c'est les enjeux de cette épreuve de confort. Effectivement, my bad. Qui veut s'en occuper. Ouais, vas-y, j'y vais si tu veux. Donc ceux qui gagnent remportent une petite croisière, la croisière s'amuse. Bateau, musique, bouffe. Ceux qui perdent devront aller à une épreuve individuelle auquel le candidat qui perdra sera éliminé. Élimination directe. Voilà, exactement. Ça rigole plus du tout. Et bah écoutez, c'est une épreuve un peu compliquée finalement, mais qui a donné l'occasion à certains candidats de montrer finalement une force mentale impressionnante. Donc moi je me souviens au début que ça commence avec Claire et Yacine qui sont l'un contre l'autre, et alors Claire pareil, incroyable, évidemment elle avait pris moins de sacs, mais on sentait la rage, ouais. Quoi. Ouais, c'était vraiment assez autre chose en termes de gladiatrice que Félicie, quoi. Bah, tu le disais, épreuve tellement compliquée que finalement le genou de Bastien n'a pas tenu. Ah oui, c'est vrai. Et il a dû nous quitter l'aventure sur cette blessure. Ouais, et c'était un peu chelou parce qu'il est resté allongé pendant genre 10 minutes et personne s'est trop occupé de lui pendant l'épreuve. Ouais. Et à la fin, ils ont dit ah merde, ouais, bon bah tant pis. Après, il y a eu le. Donc, ouais, le passage de... déjà avant qu'il était blessé. Ouais. Voilà, c'est pas alors, arrivé d'un seul coup. On l'a pas dit, mais du coup, les Bleus gagnent en fait. Finalement. Ouais. Surtout grâce à. Moi, je pense que là-dessus, on peut laisser Franck en parler parce que c'est son petit chouchou, mais un Vincent ultime. Royal. Vraiment, vas-y, Franck, lâche-toi. Ah ben très très bien Vincent, voilà les valeurs du rugby, hein. Il y a d'ailleurs eu un article à son sujet sur les valeurs du rugby et qu'il avait emporté à Koh-Lanta suite à l'épreuve qu'il avait eu dans l'émission précédente face à Yacine, où ils ont sorti un article sur une interview de lui qui disait voilà les valeurs du rugby que j'ai emporté, évidemment très très bien Vincent. Qui leur a foutu un bon coup de pied au cul aussi. Ouais, carrément. Moi, j'ai trouvé, mais c'est en train de devenir, moi, je trouve que c'est un des meilleurs candidats dans le sens où il a, clairement. Ouais, à la fois ça, la vraiment. Force et en même temps pas non plus l'esprit, il a un esprit d'équipe qui est super cool et qui amène les gens assez loin, quoi. Donc, c'est quelqu'un d'intéressant à suivre. Moi, je sais que je le mentionne à chaque fois, mais vraiment, encore une fois, Fredo, il a fait son petit coup de singe et il était, tout à fait legit dans cette équipe des Bleus. Et moi, à chaque épreuve, je trouve qu'il nous arrive à sortir un petit coup d'agilité de derrière les fagots qui est toujours impressionnant. Ah, de derrière les fagots. J'aime bien cette expression, de derrière les fagots. Eh ben voilà, de derrière les fagots. Petite bûche coupée par Yacine. Et il y a un autre truc que je voulais parler, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu des slow motion ultra moches sur cette épreuve. Oui, c'était affreux. Genre, le montage de cette épreuve était ignoble. Je sais pas comment ça s'appelle, vous savez sûrement mieux que moi, mais tu sais, quand tu filmes des slow motion, il faut avoir deux fois plus d'images pour pas que ça soit dégueulasse, quoi. Et là, c'était pas le cas, c'était vraiment un truc ralenti, immonde. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était pas beau. Quelle horreur. Mais bon, ça n'a pas empêché les Bleus de remporter l'épreuve. Tout à fait. Il va pleurer. Ouais. C'est bête qu'on ait pas continué ce jeu d'alcool parce que ça marche à tous les coups. Ouais, hein. Bah il a accepté de faire un câlin à tout le monde pendant l'épreuve, mais c'est bon, ça. Après, visiblement pas sur le camp. Et il me semble que c'est à ce retour du camp, ou c'est au début, je ne sais plus, qu'il dit « Ouais, si vous m'éliminez... » Donc évidemment, la relation s'envenime, il s'énerve avec tout le monde. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'il dit « Ouais, si... » Si on perd l'épreuve d'immunité, j'abandonne, ouais. Pour les foutre dans la merde et les obliger à perdre... à pas leur permettre de l'éliminer lui, c'est mais d'éliminer quelqu'un d'autre. Il m'a dit j'abandonne, il me fait j'hésite à continuer pour Vincent et toi, mais là il allait dire qu'il peut mettre le feu à la cabane. Il veut brûler la cabane. Oui, mais sur ce, eux ils partent à la cascade, lui il refuse de les suivre, et là tu sens que ouais ils en ont marre, quoi, ils comprennent pas, ils sont... Parce que là, à ce moment-là, Yves, il est dans un délire complètement parano, on croirait un mec sous extasie qui est... En plein malade, délire parano, c'est même flippant, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça assez terrifiant, ses réactions, son comportement, la manière dont il regarde les gens. Il a, moi, je trouve, menacé Fred à plusieurs reprises, hein, quand il dit « Tu me parles comme un cocker, mais moi, j'ai un dog allemand », c'est des menaces, hein, faut être clair. Non, mais c'est un fou. Et ça a été très pesant tout le long de cet épisode, donc là, ah ça ouais, commence clairement. Comme ça, ça a été... En tout cas, enfin, on en parlera après, mais au début de l'épisode, ça a été extrêmement négatif et ça a plombé un peu le moral de tout le monde. Ouais. C'était assez chiant à regarder dans la première partie de l'émission, en tout cas. Bah, c'est-à-dire qu'on en a marre de, on voudrait qu'il ferme sa gueule et se tire, quoi. Et il a pas envie de le faire en silence. Non, carrément. Donc, entre les deux épreuves, épreuve de confort et épreuve d'immunité, il me semble que c'est là que c'est arrivé. Une épreuve est arrivée sur le camp des Rouges. Il me semble que c'était là, ouais, ou c'était après alors déjà, la fameuse punition. Non, c'était avant l'immunité, et donc t'as eu déjà les Rouges ultra remontés par le petit passage, les Bleus passant bateau devant l'île des Rouges. Pas cool du tout, la prod. Pas cool, la prod. Ouais, c'est vrai. Parce que oui, c'est ça, du coup, on l'a pas dit, mais leur épreuve de confort, c'est de... Eh ben si, on l'a dit. Monter dans un bateau, s'en mettre plein la panse, danser en écoutant de la musique. Et ouais, alors il y avait le suspense, les mecs disaient, ça serait rigolo qu'on passe devant les Rouges. Et les Rouges disaient, ça serait rigolo qu'ils passent devant nous. Et puis, ça arrive. Et là, c'est et alors, rigolo. Et alors, c'est pas ce qui se passe, les Rouges. Voilà. C'est-à-dire, les mecs pètent un câble et se disent, Oh, c'est évidemment les bleus qui conduisent le bateau et qui passent devant nous pour nous narguer, ces espèces de monstres qui ont un permis bateau. Bah, il a 50 ans, il a peut-être un permis bateau. C'est bien un gros connard aussi, il pourrait faire ça, ouais. Donc, il se regarde en chien de faïence, puis après, il y a un moment où il se rend coucou, puis après, c'est terrible. Déjà, comment ça sent ? Oh là là là. On s'est dit que ça allait être un moment gargantuesque. On a vu les petites brochettes partout, tout le monde a le sourire et on va passer une super soirée. Au bleu. Aïe, aïe, aïe. Le bleu. Ouais, les balles, c'est ça rouge, les gars. Ah ouais. C'est trop bonne, c'est pas ça. Oh, ouais. C'est délicieux, les pâtes farcies. En fait, on va jusqu'à la plage des Rouges. Ouais, c'est pour les Rouges. C'est gilet rouge. Non. C'est gilet rouge. Non. Je te jure. Ah, il nous regarde. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Donne-moi une brochette. Non, les gars, c'est dur. On va avoir une crevette. Allez, on la crevette. Oh non, c'est dur. Non, mais ça y est, regarde, ils sont tous là. Bon, on va leur faire coucou. Tu peux leur faire un coucou. Ça y est, ils nous ont vu. Ah, régalez-vous! Bah, ils ont le... Donc ça, c'est les... pas la première ouais, fois que la prod fait ça dans une saison de Koh-Lanta. Hein. C'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir cette récompense et d'avoir ce comportement d'aller montrer à l'autre équipe ce qui se passe sur le bateau de très très loin. C'est toujours moins pire parce que la nuit avec la lune dans le ciel, on est un plan superbe. Ouais. Des deux camps, ouais. Des deux lumières. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est toujours moins pire que l'épreuve de confort où les mecs avaient le droit d'aller voler des trucs sur le camp des ennemis pendant 5 minutes, sous les yeux des autres. Ça, ils ont eu, ouais, il y a eu ça. Et du coup, ouais, ce confort se passe et les rouges enchaînent. Avec une épreuve. Alors moi, j'ai pas compris à ce moment-là pourquoi elle arrivait, cette épreuve. Enfin, j'ai bien compris en termes de jeu, parce que c'était pour rééquilibrer les deux équipes en termes de nombre de membres. Et peut-être parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils manquaient de matière à monter et que ça leur permet d'avoir 15 minutes, voire même 20 minutes qui soient prises avec un jeu. J'ai pas compris dans le cours de l'émission pourquoi ça arrive. Alors en fait, c'est parce qu'ils ont perdu l'épreuve précédente en fait. C'est la punition si tu perdais. Ah, oui. C'était épreuve de confort et d'inconfort en fait. J'avais pas relevé ça. Mais dans les raisons au niveau du jeu aussi, je pense que c'était un moyen de faire en sorte que chez les rouges qui finalement ont peu d'élimination, d'essayer de faire des éliminations un peu au mérite, tu vois, en bidouillant. Ouais, mais ça aurait pu être les bleus qui perdent l'épreuve de confort. Moi, je pense que c'est aussi un moyen de précipiter la réunification, parce que là, ça traîne un peu. Et du coup, ils virent des gens pour pas avoir une réunification à, je sais pas combien, là, ils devaient être encore 14, tu vois. Donc là, ça permet de précipiter la réunification. Voilà. Du coup, on se retrouve avec une épreuve individuelle au sein de l'équipe rouge. Donc c'est une épreuve un peu d'agilité, d'adresse. Ou alors c'est une épreuve qu'on a déjà vue, hein, où ils doivent empiler sur une plaque qui est en équilibre différents morceaux de bois. Ouais, des caplins là. Ils doivent empiler 8 morceaux de bois, je crois. Mm-hmm. Et en fait, ils doivent tenir la plateforme en équilibre à l'aide d'une corde, puisqu'ils ne s'en approchent pas, et aller chercher les morceaux de bois qui sont de plus en plus loin et revenir les placer sur le truc en équilibre. Donc bien sûr en maintenant le truc en équilibre, etc. Donc assez compliqué finalement comme épreuve. Ouais, ça avait l'air facile. Ouais. Tout le monde a fait tomber son truc au moins une fois, je crois quasiment. C'est ça. Ouais, ça avait archi dur. Ouais. Donc victoire de Sébastien. Ouais. Ensuite Yacine, je crois. Yacine, Manuela. Marjorie, non? Marjorie, Non, il y a eu Sandro avant. Sandro et finale Clémentine Maria et Clémentine remporte. Donc Maria se fait éliminer. Il était temps, honnêtement. Ouais, c'est ça. C'est pas une grosse perte. Et de toute façon, elle l'a su au bout de 5 minutes d'épreuve. Elle s'est énervée. C'est pas pour moi, voilà. C'est ça. Il était temps de toute façon. Je veux dire, Maria, ça faisait un petit moment qu'elle apportait plus rien. Voilà, je pense que c'est pas. Enfin, ça va quoi, elle a eu le temps de faire un appel à son chéri, elle a vécu son aventure, moi je pense que c'était bien qu'elle parte quoi. D'ailleurs personne n'est revenu dessus, on n'a pas eu son portrait. Chez les Bleus, elle serait fait virer la première semaine. Oui, complètement, ouais. Soyons clairs. Tu vois, au moins tout le monde était d'accord sur son cas, ce qui est quand même assez rassurant. Donc à partir de là, on se rend compte que, eh bien, on se souvient de l'élimination, enfin de l'abandon de Bastien sur blessure. Ah oui, exactement, mais ouais, c'est ça, tout ça se passe au même moment. De Kelly. Pendant ce temps-là, à Veracruz. De Kelly. Bim. Leur retour. Ouais. Elles qui arrivent, donc elles sont en train de faire cette épreuve. Elle arrive sur le camp. Elle est heureuse. Le premier cri qu'elle pousse est Lucas. Ah! le cri typique de Kelly là. C'est un truc de fou. Et voilà, donc l'équipe revient, découvre donc sa son retour au sein de cette équipe. Évidemment, alors moi je trouve que c'était vraiment une bonne nouvelle. Ouais, parce que je trouve qu'elle va bien dans cette équipe. De ouf. Et on s'est rendu compte très très vite, c'était la une des seules petites morceaux de vie sur le camp qu'on a eu, c'est qu'elle est devenue très copine avec Yacine très rapidement. Ouais. Se sentant bien dans le côté bah les couilles des manières, ouais, je pense on est des winners, ouais. Voilà, ouais, des guerriers, c'est la boxe, c'est genre de s'occuper d'un petit peu tous les arbres au début. Le lefto Yacine entraîne la nouvelle venue dans ses travaux matinaux et la complicité paraît vite évidente. Ça raccroche d'une main. Kelly, non, ça, on s'entend bien, donc forcément, peut-être qu'il y a un contraste avec, avec d'autres équipes qui sont très maniérées, qui sont beaucoup plus sensibles, sont au coucher du soleil, elles vont verser une larme, lever du soleil, elles vont verser une larme. Un peu plus haut, parce qu'après, tu vas te faire mal avec l'autre qui est coupé. Hier, j'en étais à 892 morceaux de bois coupé, donc je sais pas. Là, je vais peut-être finir à 1000. Yacine Ingalls. Yacine Galls, même, tu peux dire. Yacine Galls, voilà, Yacine Galls. Kelly Ah, Yacine a enfin trouvé quelqu'un qui lui correspond. Le Bordelais va peut-être plus s'ouvrir. Enfin, j'aimerais bien que Kelly serve de passerelle entre les Rouges et Yacine et que ça règle un peu tous les problèmes. Ouais, ça serait cool, grave. Je pense que Yacine est trop, trop bas les couilles et trop je veux gagner et je m'en bats les couilles des autres pour que ça marche. Mais on verra bien. Bah, j'espère que ça va pas la desservir finalement, tu vois, parce qu'elle est devenue rouge très vite, ça s'est super bien passé, tout le monde est très très content. Elle a dit bah ils m'ont éliminé donc je suis plus bleu. Et j'espère. Moi que... je pense que quand tant que la à la réunification elle va jamais s'allier avec les bleus, ça a vraiment trop le sein contre eux. Et sûr, du coup tant qu'elle sera avec les rouges ça se passera bien et puis ça sera peut-être une des premières à sauter à ce moment-là, tu vois. Mais effectivement, effectivement. En attendant je trouve que c'est bien que ça soit Kelly qui ait eu tu vois un... Oui, oui. Un petit sourcil par exemple. Maria franchement ça m'aurait foutu le seum. Mec t'imagines. Oh, Yves qui revient, mon gars, avec des peintures de guerre, un flingue et son chien. Du coup, bonne nouvelle, bon événement dans cet épisode. Ouais, sympa. Et du coup, elle s'apprête à affronter son ancienne équipe, l'équipe des Bleus, dans une épreuve d'immunité qui est basée sur un puzzle. Exactement. La spécialité d'Yves. Ah oui. Mais heureusement, il aurait peut-être dû le dire avant. Donc ça aurait pas changé son tirage de boule noire. De manière à rééquilibrer les équipes, donc les bleus tirent une boule et Yves masculine. Oui, voilà, pardon. Et Yves se te retrouve mis d'écart. Ouais. Mis à l'écart et là évidemment, il se dit ouais, c'est vraiment le sort qui s'acharne. Déjà je suis mis à l'écart sur le camp, si je me mets à l'écart sur les épreuves, c'en est fini pour moi. Un peu trop d'accent, mais la diction était parfaite. Moment incroyable, les bleus n'ont rien dit. Moi je respecte le self-control des bleus qui lui disent pas, mais ferme ta gueule, gros con, ils ne disent rien. Après, tu lis sur leur visage qu'ils ont vraiment envie de dire ça. Enfin, Vincent, les bleus étaient trop occupés à lui faire un plaquage. Hein, sur cette épreuve. Et bah, d'ailleurs, oui, ça n'a pas aidé. Je pense qu'ils n'ont pas compris les règles, une fois de plus, comme avec le nœud. C'est pas possible. C'est-à-dire, les mecs, ils n'ont pas compris que c'était un jeu de mémoire et qu'il fallait retenir la forme avant de la refaire. Ils ont commencé par la détruire. Je pense que c'est même pas qu'ils aient pas compris les règles du jeu, c'est qu'ils ont pas compris les règles du puzzle. Tu vois, la notion de puzzle, ils l'ont pas, quoi. Oui, c'est possible, ils sont complètement con. Rien compris. Ouais. Donc, ouais, on l'a pas expliqué. Le but, en gros, c'était, il y avait un puzzle qui était construit, finalement, une sorte de chamboule tout, quoi, à la verticale, comme un mur de briques. Une quinzaine de pièces, peut-être. Ouais, avec des formes assez différentes et tout. Donc, c'était, franchement, c'était pas piégeux, comme si c'était des briques identiques. Très, très peu notif. Voilà. Et donc, il fallait. Deux bandes en haut et en bas. Et un centre. Et ensuite, quand même, tu pouvais retenir la forme, finalement, qu'avaient les pièces. Donc, le but, c'était de le retenir, de prendre des boules, et comme un chamboule-tout, le faire tomber, pour, une fois qu'il était détruit, le reconstruire. Mmh. Les deux équipes arrivent quasiment au même moment, je crois, au plan de, à l'endroit de la construction. Un truc très malin, pour une fois, il y a un drap qui sépare les deux équipes pour pas qu'ils se copient entre eux, ce qui est pas toujours le cas dans ce genre d'épreuve. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc les deux équipes commencent, et là, Manuela Ah, franchement, elle a été royale, faut être honnête, tu vois. Ouais, il y a une sorte de collab, 80% Manuela et 20% Sébastien. Clairement, elle dit, attends, vas-y, je vais faire ça, tu vois. Hop, je la retourne, Hop. Et, Manuela finit le truc. Les bleus, pendant ce temps-là, Ouais, on voit Mathilde qui met des pièces angulaires alors que le truc c'était un carré. Enfin voilà, elle commence à faire une espèce d'un truc qui est un truc cubiste, tu vois, alors que c'est juste un carré, quoi. Et Yves, là, à ce moment-là, se prend la tête dans les mains, et là, c'est la seule fois de l'épisode où j'ai été d'accord avec lui, c'est quand il se dit, mais quelle bande de teubés. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était chaud, hein. Surtout, à la fin, donc évidemment, les rouges l'emportent, puisque ouais. Grâce à Manuela, qui a été très très forte sur les rouges. Franchement, respect, ouais. Et les bleus qui ont pas su faire, enfin, le bas de la structure, quoi. C'est-à-dire que, à un moment, il y a Vincent qui a fait une remarque très pertinente, c'est que, ils se sont dit, bah, retourne toutes les pièces vers nous pour que l'équipe puisse les voir. Et en fait, bah, ils l'ont jamais fait. Du coup, ils ont jamais eu une vision des morceaux qu'ils avaient. Surtout qu'ils avaient pas regardé le puzzle de la base. Donc vraiment, ils se sont foutus dans la merde jusqu'au bout. Ils ont même pas su faire la structure du puzzle du bas. Bah, c'est-à-dire reconstituer une ligne. Non, mais. Ce qui était quand même assez, voilà, il y avait deux endroits où il y avait des motifs et ils ont pas su le faire, donc c'était minable, effectivement. Je crois que c'est effectivement les mots que Vincent a utilisé quand Denis lui a demandé minable, c'est quoi ton avis, il a dit on a été minable. Ouais, je crois. Et là-dessus, Yves qui dit, donc évidemment Denis qui met un peu d'huile sur le feu, qui demande à Yves ce qu'il en pense, et il dit ouais, bah c'est dommage que j'ai été mis de côté, hein, parce que vraiment c'était une épreuve pour moi, quoi. Et là il met un coup de pression, il dit quand Denis dit bon allez, vous allez rentrer sur votre camp. Yves l'interrompt, bleus sont dans une poker face ultime, ils se disent putain, il va abandonner, il nous fout dans la merde ce con. Et là Yves dit j'avais songé à abandonner, mais grand prince que je suis, j'affronterai les bleus au conseil. Alors je sais pas à quoi il s'attend. Surtout c'est genre, je fais mon intéressant quand même, parce que pour le coup il en avait pas du tout parlé à Denis, donc c'était vraiment juste bonjour Denis, je voulais vous montrer que j'avais beaucoup de force dans mon esprit. Enfin genre horrible, vraiment putain. Bah tiens, on dirait les connards qui lèvent la main en disant « Maîtresse, il y a machin qui a son cahier qui est sorti et qui copie dessus. » Ah, tu vois, l'espèce de petit faillot de merde qui veut dire « Regardez, je fais du zèle, professeur. » Ouais, malheureusement, faire de la lèche à Denis, ça ne suffit pas pour rester dans Koh-Lanta. Non. Sinon, moi. Sinon, si je vais à Koh-Lanta, je gagne, de toute façon. Slurp. Et Sonia aussi. Oui. Sonia, elle devient présentatrice de l'émission. Les bleus rentrent sur leur camp, enfin tout le monde rentre sur son camp. Est-ce qu'on voit encore les rouges à la fin de l'épisode, je crois? Enfin, on voit un peu d'agacement envers Yacine quand même. On voit un agacement envers Yacine de la part de Clémentine qui dit que c'est le mal. Ouais, non, mais ça a commencé avant. Mais oui, du coup, Clémentine tourne en boucle. Mais alors, elle est presque en larmes, je crois. Non, elle est pas ouais, bien. Ouais, elle est genre exaspérée. Et puis, du coup, en fait, Yacine, comme ça le saoule, il devient de pire en pire. C'est-à-dire, quand même, le coup, il vient chercher son assiette et il se tire sans rien dire. Franchement, c'était quand même gênant pour tout le monde, quoi. Moi, j'étais en mode, il faut aussi un peu le seum. Donc, ils sont enfermés dans cette espèce de cercle vicieux qui va forcément mal se finir. Moi, ça me pose pas de problème qu'il ait pas d'émotion, Yacine, mais il faut qu'il respecte le fait que les autres en aient, tu vois, et il peut pas se foutre de la gueule des autres parce qu'ils sont tristes parce que Bastien, il est parti, tu vois. C'est ça. C'est normal. Et bon, après, c'est surtout les filles qui sont tristes, hein, mais voilà. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est que... je crois que c'est à cet épisode que, à la fin de l'épreuve, de la première épreuve, Denis demande à Yacine ce qu'il a pensé de Vincent et du fait que, bah, en gros, les bleus aient gagné. Mmh. Et donc, Yacine dit la même chose qu'il dit d'habitude, c'est-à-dire beaucoup d'éloges pour Vincent. On se rejoint sur notre côté combatif, sur cette envie de vaincre et de faire un beau duel du meilleur aventurier. Et c'est quelqu'un que j'adorerais affronter en finale. Et alors là, les rouges. Guidé par Manuela et Clémentine. Non, mec. Et un peu la grosse Marjorie. Il a aussi dit qu'il ne pourrait pas voter contre Vincent. Il l'a dit. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il dit ça. Mais ça veut dire ça, finalement, je vais l'affronter en finale. Oui, mais il l'a même dit. Il a dit, même si mon équipe veut voter pour lui, je ne voterai pas pour lui. Voilà. Et alors là, tout le monde voit ça comme un crime de lèse-majesté en se disant, quoi, Yacine est plus Koh-Lanta que rouge. Et pour eux, c'est pas possible, quoi. Et alors, c'est ça. Et c'est le moment où Marjorie dit quand même. Moi, je suis rouge jusqu'au bout des ongles. Ah, forcément, puisqu'il te laisse rester dans l'émission alors que tu sers à rien et que t'es vraiment qu'un gros tas abruti et complètement idiot. Et que c'est sûr que c'est plus sympa d'être au soleil que de servir de la brandade de morue à des consanguins. Bon, voilà. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé les rouges de plus en plus. Donc j'ai trouvé les rouges vraiment chiants. Enfin, ils tournent en rond comme des fous, alors que franchement leur aventure se passe étonnamment bien, sincèrement. Je me dis putain, t'imagines si Clem elle avait eu Yves sur le camp, elle serait en dépression. On l'aurait retrouvé accroché à un arbre, pendu. Ce que je trouve un peu dommage, c'est l'effacement de Sébastien, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de connaître, et la prod, et en tout cas lui, on sont trop en retrait pour nous montrer quelque chose, et moi je veux en savoir plus sur ce mec, tu vois. Il est ultra bon en épreuve. Il peut, lui, il a un physique de mec qui gagne les poteaux, tu vois, donc il faut qu'on s'intéresse à ce mec-là, parce qu'il va gagner des épreuves, là, il va gagner des immunités, et à la réunification, il va être fort. Donc je veux en savoir plus. Un peu comme Fred au début, d'ailleurs. Ouais, carrément, ouais. Fred aussi, il est bon. Ah, Fred, moi, je l'adore. Moi, c'est mon préféré. Bah, surtout. Mon petit singe à moi. Ah ouais, avec son ça y est, tu te souviens de son prénom? Ouais, ouais, non, mais tu sais pourquoi je m'en souviens? Parce que je l'ai noté, mec, j'ai un post-it, hein. J'ai écrit Fred et Bastien. Est-ce que, mec. Est-ce que tu t'es fait tatouer sur les pecs comme Frédéric, tu vois? Oh oui, avec plein de petits points en lettres tatouage avec des ondes. Des paillettes. Ah ouais, quelle horreur. Putain, quelle honte. J'ai écrit quoi? Mathéo, je crois, c'est le nom. Ah, il y a moyen. Mathis, c'est bien un nom de connard des années 2000, ça. Ouais, complètement, ouais. Et donc sur le camp des Bleus, donc Yves se met à dos évidemment la totalité de son équipe, et en leur disant, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il dit qu'à un moment il dit. Au moins s'il y en a un qui a encore de la pêche, c'est moi. Hein. Je vous rappelle que moi je suis encore à fond dans le truc. Hein. Ah, pour rire sa gueule. Hein. Putain, mais alors un surplus d'énergie tel qu'à un moment il se prend pour un sculpteur romain du 16e siècle. Incroyable, incroyable. Il nous fait une gravure trahison qu'il poste au-dessus de sa cabane. Sur une planche. Et moi j'ai adoré Corentin qui, tu vois, mais genre le mec, les mecs n'ont tellement plus de respect qu'ils se foutent de sa gueule ouvertement en disant pas mal ton petit taquito là. Moi j'étais mort de rire. Je n'en pouvais plus. Il était complètement fou. C'était vraiment le summum de sa folie, de la démonstration de sa folie. Mais c'est de la démence là même. Hein. C'est chaud. Et il a quand même tenté un truc, à un moment, Vincent, elle lui parlait pour essayer un peu de... Ils se sont un peu chiés dessus quand même à l'idée qu'il abandonne, donc ils vont lui parler en disant, bon, allez, on parle un peu. Et du coup, Yves pense que tout d'un coup, il se dit, il y a peut-être un moyen de se rallier avec Vincent et Corentin, échec total. On se dirige au conseil, et là, Denis, fidèle à lui-même, fout la merde comme jamais, quoi. Oh ouais, putain, mais alors... Puis avec le pied droit, pour être sûr que ça porte malchance, quoi. Incroyable. Donc bah évidemment tout le monde s'écharpe, tout le monde s'engueule et ça scelle le destin d'Yves qui en vrai Denis ou pas il avait pas beaucoup d'espoir. Bah, si tu veux, quand il lui demande de faire son autocritique et qu'il dit qu'est-ce que vous auriez changé Yves si vous deviez changer quelque chose, le mec dit d'équipe, hein, toi c'était fini quoi. Oh putain c'est clair. Surtout il attaque frontal Fred qui était son pote depuis. Ouais laisse tomber. Putain le pauvre Fred quoi. Qui était génial Fred, franchement putain c'est chaud quoi. Fred qui a failli se mettre dans la merde en étant pote avec Yves, hein, d'ailleurs. Ouais, clairement. Ouais, je suis content que ça retombe bien pour lui. Oui, non, mais c'est Il s'est fait un complot fredo-maçonnique, mon gars, en mode Fred, depuis le début, il tient toutes les ficelles de tout le monde et il fait toutes les éliminations en faisant croire qu'il est pote avec moi. La tentative de rallier Mathilde en mode il voulait éliminer Mathilde et Mathilde, non, bah non. Puis en fait, il m'en a déjà parlé, puis tu dis de la merde. Fredo, c'est mon gars sûr, hein, casse-toi, le malade mental, là. Mais c'était vraiment assez drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé pendant ce retour sur le camp. Le moment avec les planches et tout. J'ai un peu été soulagé quand même. C'était vraiment pesant. Enfin, je commençais à ressentir cette espèce de gêne que eux devaient avoir, qui devait être horrible, quoi. Enfin, ouais. Oui, parce que du coup, ils l'ont éliminé, hein. Ah, bah oui. Oui, c'est ça, oui. Bah, vous avez compris, normalement. Vous avez compris depuis le début. Il y a que lui qui a voté pour Mathilde et c'est tout, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors qu'il aurait pu voter pour Fred, d'ailleurs, hein, pour au moins appuyer son point. Non, mais il a dit que justement, il votait pas pour Fred, pour garder le pacte, comme quoi il votait pas l'un contre l'autre, et que du coup, il était meilleur que Fred, parce que lui, il avait pas brisé le pacte, hein, le malade mental. Oh putain, non, mais laisse tomber. Et alors là, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que le mea culpa de Yves, hein, c'est quelque chose de sincère, ou c'est encore un layer de plus dans le mastermind de joueur de poker, Yves, qui est meilleur que les autres et qui lui s'excuse? Ah oui, c'est ça qu'il a dit. C'est, Denis, je suis un joueur de poker. Non, mais il le dit sans cesse. Vous vous souvenez, il l'a dit au premier épisode, quand Dylan s'est fait éliminer, alors que Yves allait se faire éliminer sans rien faire, tu sais. Il était en mode, ah, je m'en suis sorti parce que je suis un joueur de poker, alors qu'en fait, c'est juste Dylan qui a décidé de se faire détester par tout le monde dans son coin. Enfin, ouais. Ah, il avait quand même un peu géré son coup, mais en tout cas, il avait juste feinté des mecs pas très malins, quoi, mais ça avait marché, en tout cas. Ouais. Moi, je pense qu'il a un peu le côté, peut-être, c'est-à-dire, une fois qu'il était éliminé, il s'est rendu compte que ça servait plus à rien de faire le mec, et peut-être que quand même, il s'est dit, oups, je vais peut-être passer pour un connard à la télé. Trop tard. Ouais, je pense que c'est à ce moment-là que tu te rends compte. Ouais, c'est ça, voilà, mais t'essayes quand même. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, difficile de savoir. Hein. Soulagement total, vraiment, là, je suis soulagé que ça partie, et enfin, je vais peut-être pouvoir profiter de Koh-Lanta. Surtout après, en fait, en fait, depuis toutes les semaines, depuis le début de l'émission, chaque fois les Bleus disent on va voter contre Yves, et à chaque fois c'est quand même pas Yves qui partait. Bah, ils ont été cons là-dessus, hein, franchement, faut le dire, mais c'est vrai que. C'est pas possible, ouais. Hein, franchement. Je sais pas comment le mec a réussi à aller jusque-là, c'est impressionnant, mais pourquoi ils ont éliminé Kelly, moi je me le demande toujours, quoi, c'est un mystère total. Et parce que Yves a réussi à les entourlouper. C'est dingue. Ça a toujours été ça depuis le début, hein. Mais c'est lui qui a réussi à les entourlouper. Non, mais ouais, parce qu'il est nul à chier quand même, bah, ce truc qu'il a, c'est peser 100 kilos, et du coup, des fois, quand il faut peser des charges, bah oui, vu qu'il fait 100 kilos, il est capable de peser un peu plus que les autres, mais vu qu'il peut pas bouger son gros derche, ça sert à rien. Hein, Ouais, dans l'épreuve des sacs, c'était pas reluisant, hein, franchement. Putain, il s'est fait insulter par Vincent, j'aurais pas pu mettre à sa place. Ah, ouais. Bouge ton cul. C'est horrible. Du coup, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on parle un peu de l'émission, de l'émission prochaine? On a eu un petit teaser, là, quand attends, même. Attends, excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission aussi? Moi, je vous avoue que la première partie m'a un peu ennuyé. Mais alors, par contre, à partir de, j'ai été hook, j'ai été accroché à partir de l'épreuve d'élimination individuelle des rouges. Vraiment, à partir de là, je trouve que l'émission a pris un autre rythme, qui était beaucoup plus, beaucoup plus rapide, beaucoup plus soutenu. Avec, bah, il s'est passé vraiment plein de trucs, quoi. Le retour de Kelly, cette épreuve-là qui était super cool, l'épreuve du puzzle qui était vraiment à crever de rire, toute la séquence avec Yves, trahison, machin et tout, où il se fait lyncher et humilier par son équipe, l'élimination au conseil, vraiment, je trouvais ça vraiment top. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne émission de transition, en fait, entre ce qu'il y avait avant et la réunification à venir, parce que bah, déjà ils ont fait le ménage des boulets, ils ont viré Yves, ils ont viré Maria, ils ont viré Bastien qui était pas un boulet mais qui était blessé donc ça allait péter un moment. Après, à côté de ça, moi j'ai vraiment trouvé pesant la présence de Yves pendant tout l'épisode, je voulais qu'il jarte et j'avais la peur que les Bleus fassent la connerie de pas l'éliminer, donc soulagement quand il s'est fait éliminer. J'ai bien aimé le confort, j'ai trouvé que les trois épreuves marchaient bien, ça met un bon rythme, maintenant je pense que... J'espère qu'avec la réunification, ils auront plus besoin de mettre trois épreuves par épisode et qu'ils pourront avoir des choses à montrer sans avoir trois épreuves par épisode. Voilà. Et ouais, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Moi, j'ai trouvé quand même, c'est vrai que la deuxième partie, elle était marrante parce qu'il y avait un bon rythme et qu'en vrai, c'était toujours marrant de voir qu'il se passait des trucs et que tout le monde s'engueulait. Mais, un peu comme d'hab, j'ai trouvé que quand même, il y avait beaucoup d'émotions négatives pendant toute cette émission. Et ouais, tu vois, Yves et même sur le camp des rouges, enfin tu vois tous ces trucs de mecs qui s'engueulent pour rien, Clem qui dit c'est le mal, enfin genre c'est le diable, enfin elle est folle, elle vit dans un autre monde. Et tu vois, tu connais la triade des mecs méchants, Bolloré, Donald Trump et Yacine. Yacine. Non mais du coup ouais, moi j'ai un peu du mal avec ce côté, enfin c'est bête parce que les mecs dans l'adversité ils se rassemblent pas du tout. Non. Et moi je trouve ça du coup pas forcément très agréable à regarder. Ils se confient pas aux autres, moi j'ai rien qui discute un peu de leur famille, de leur vie. C'est ça, exactement. Ils rigolent pas, on les voit jamais rigoler en vrai. Non, ouais, c'est horrible. Enfin, c'est-à-dire que personne est content d'être dans son camp et bah il y a une épreuve qui gagne, une épreuve qui perd, voilà. Et franchement du coup, voilà, les épreuves pas mal effectivement, mais un peu ouais, une tu vois une impression générale de négativité qui est pas forcément feel good pour un truc du vendredi soir. Ah, c'est bien, des avis divergents. Vergents. Et ben ouais, et du coup l'épisode suivant, la réunification. Ah, enfin. Hype. Alors moi j'ai pas regardé le teaser, donc je vous laisse me hyper. Et ben qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux bateaux l'un à côté de l'autre qui arrivent sur une... Alors d'ailleurs, est-ce qu'ils arrivent sur une nouvelle île ? Peut-être, parce qu'on voit deux bateaux l'un à côté de l'autre, donc ça veut dire qu'ils arrivent potentiellement sur une nouvelle île. De la stratégie, on voit des tentatives de rapprochement dans tous les sens, on n'arrive même plus à savoir qui est avec qui juste dans ce teaser, parce que chacun parle avec tout le monde. Pas mal. Et du coup, il y a moyen, en fait, là, on dirait que les jaunes vont jouer un rôle de pivot, en fait. Est-ce qu'ils vont se ranger d'un côté ou de l'autre? Est-ce que les anciennes couleurs vont toujours exister entre jaune, rouge, bleu, ou est-ce qu'il y aura que des rouges et des bleus, ou que des blancs? On va voir, et moi, ça m'intéresse. En tout cas, là, on a l'impression qu'il va vraiment y avoir de la stratégie, et pas juste des mecs qui disent pour qui tu votes ce soir, et qui se mettent jamais d'accord, et qui votent à l'arrache le soir. Et, peut-être enfin une utilisation des colliers d'immunité, parce que rappelons quand même qu'il n'y en a aucun qui a craqué, hein. Donc là, il va peut-être y avoir des petits tours de passe-passe incroyables, en mode tout le monde dit « on vote Yacine !» et bam, collier d'immunité. Et la semaine prochaine, « on vote Yacine !» et bam, collier d'immunité prêté par Mathilde. Et là, ça serait vraiment incroyable. Donc ouais, effectivement, on a hâte de voir tout ça. Hein. Et puis surtout, ça va être l'occasion de faire le ménage dans les losers. Enfin, je veux dire, Marjorie, objectivement, elle n'a plus rien à faire dans l'émission. Exactement. Donc là, ça va être enfin bien qu'il n'y en ait plus qui se fassent sauver les miches parce que ils s'en sortent un petit peu tirés par les autres. Ouais, faut espérer juste que la stratégie à la Manuela de on vire les plus forts ne soit pas trop puissante, parce que moi j'aimerais bien voir des Seb, des Yacine et des Vincent s'affronter. Totalement. Et des Fred. Ça, ça annonce des bonnes choses. Oui. C'est ce qu'on peut dire. Eh ben, je vous remercie. Je vous propose de passer peut-être... qu'est-ce qu'on fait ? On fait les tweets d'abord ? Eh ben, écoute, vas-y, on fait les tweets. Hein. Ouais, allez, on fait les tweets. C'est parti pour la séquence tweets. J'espère que vous avez préparé ce qu'il faut, parce que moi, pas du tout. Louis, commence. Alors, attendez, quel est le premier titre que je vais voir? Voilà, moi j'en ai un, si tu veux, j'en ai un. Vas-y, vas-y. J'en ai gardé un seul, et aujourd'hui, c'est Florine qui nous le dit. Elle nous dit, attention, les élections, c'est pas comme Koh-Lanta, il faut pas voter pour celui que tu veux éliminer à chaque présidentielle. Puisqu'on enregistre le jour des élections. Alors attendez, moi je viens de trouver un tweet. Pas exceptionnel cette semaine. Moi je viens de trouver un tweet ultra chelou. Déjà le tweet est en anglais, mais sur la dernière saison de Koh-Lanta, et donc il dit « When bromance shall remain discreet, so quand la bromance doit rester discrète », et en fait on a des images de Corentin et Fred, hein, qui sont... alors il y en a un où en gros Corentin est presque en train de masser le dos de Fred, et une autre où ils sont allongés l'un contre l'autre, et on dirait que Fred touche les pieds de Corentin. Et alors, est-ce qu'il y a, vous pensez, des fantasmes bizarres entre des fantasmes sur un amour Corentin, ah, c'est Fred possible. Peut-être qu'il y a des mecs qui font des Photoshop un peu fripon. On roule 34 Koh-Lanta. Ouais. Wow. Ok. Peut-être. Voilà, c'était mon tweet pour le moment. Donc vas-y, Louis, si tu en as. Alors moi j'en ai. Alors moi j'ai une photo de Yacine Hillard avec Kelly, vous vous souvenez quand ils sont allés couper du bois ensemble et que ça a été le début de cette histoire finalement peut-être d'amour ou d'amitié comme dirait Céline Dion, avec en citation de Yacine, je leur installe la cabane, une piscine et le wifi et ils veulent m'éliminer parce que je pleure pas devant un coucher de soleil. Ça m'a fait marrer. Alors un autre, j'ai pas dit qui l'avait dit, ça c'est Arnaud. Socomand dit, j'espère Yacine il casse la cabane avant de partir Koh-Lanta. Et là j'étais en train d'y penser, je me disais mais oui, oh, mais évidemment, ça c'est incroyable. Mais Yves il a voulu brûler la cabane aussi, je vous rappelle. Ah bon? Mais oui, il a dit avant que je me barre, je brûle la cabane. Vous vous souvenez pas? Dans l'épisode il a fait une quel fou, j'ai oublié. Puisqu'on en parle, j'ai mon dernier tweet qui vient de tenez-vous bien, Pareo 46, donc un mec qui est très Koh-Lanta dans sa vie de tous les jours. Avec un gif de Yves à l'épreuve des sacs, qui court comme un dératé pour arriver et qui, au premier obstacle, n'arrive pas à le passer et doit s'y reprendre une deuxième fois, avec comme caption, moi face à la vie, trois petits points. Et en fait, c'est tragique parce que là, je n'ai que des tweets sur les élections présidentielles, sur Koh-Lanta. Ah ouais, c'est un peu le truc, donc bon, c'est un peu chiant. Alors là, j'ai des gens qui disent que The Island est meilleur que Koh-Lanta. Ah, c'est vrai, c'est un truc dont je voulais vous parler. C'est qu'il faudrait peut-être qu'on s'intéresse dans les prochaines semaines à The Island, de manière à pouvoir en faire un petit. Alors moi j'ai vu une seule chose, c'est que les mecs buvaient leur pipi. Non, c'est pas intéressant. Vrai. Si, voilà. Donc je pense que vraiment, ah bah tiens, j'ai pu caler mon petit voilà de l'épisode en fait. C'est c'est je pense que ouais, donc c'est pour l'instant c'est forcément mieux que Koh-Lanta. Et moi j'avais regardé un petit peu il y a 2 ans je crois. Genre 2 ou 3 épisodes et c'était chouette. Dans le sens où ça se concentre beaucoup plus sur la survie, par exemple, c'est les candidats eux-mêmes qui filment en fait, ils ont des gens qui font du montage mais qui sont des candidats. Et je me souviens, ils avaient une discussion incroyable sur la fréquence de leur sel, donc c'est le point caca. Et il y avait un mec qui avait avoué qu'il n'avait pas chié depuis le début de l'aventure. Oh, et ça faisait, mais oui, je me souviens, un 10 jours qu'ils étaient là. Eh ben, écoutez, ce serait peut-être bien l'instant Sonia. Bah ouais, c'est le tout premier. Chronique. Sonia qui, évidemment, a le droit à son propre sponsor. Ah ouais, elle boycotte le cassoulet, Sonia. Tout à fait. Sonia est sponsorisée par... Vous l'aurez reconnu, c'était Intel, effectivement. Alors Sonia, qu'est-ce que t'as à nous proposer aujourd'hui ? Un poème pour le beau Denis. D'accord, eh bien écoute, dès que t'es prête, on te laisse la parole. Denis, Denis, Denis, tu es mon soleil dans la nuit. Denis, Denis, Brognard, tu es ma lumière dans le noir. Denis, Denis, Denis, je me rêve vache dont tu traites le pis. Denis, Denis, Brognard, moi le petit vif dors si toi tu es cognard. Denis, Denis, Denis, Je veux déguster ton loukoum d'Arabie. Denis Brognard. Faire crisser tes pneus sur ma ligne de départ. Je veux être le capuchon sur ta torche de conseil. Recouvre-moi de ton miel tel une abeille. Denis, mon amour, je ne te demande qu'un bon coup au réveil. Ouais, bah, ça... Moi, je suis impressionné quand même. Je pensais que j'avais le plus bel amour du monde pour Denis Brognard, mais je crois que Sonia me bat à plate couture. Ah oui, ben là, oui. Si j'étais Denis, honnêtement, je plaquerais tout pour en aller partir à l'autre bout du monde avec elle. Ouais, prochain Koh-Lanta sur Mars avec Sonia. On l'annonce. C'est un petit peu fripon, hein, quand même. Sonia, elle nous montre son vrai visage, ah là. Ah bah, écoute, hein. Ah bah, j'ai pas choisi n'importe laquelle. C'est le modèle un peu à particulier. À notre image. Tu aimes le caca? Attends, est-ce que... il faut demander si elle est à notre image. Sonia, tu aimes le caca? J'adore les blagues scatophiles. Ok, ça me rassure. Et du coup, c'est l'heure de quoi? Est-ce qu'on fait le jeu d'alcool? C'est l'heure du jeu à boire. Ah, ouais. Ah, alors, le jeu à boire. C'est Papy Mouzo de Cazin. Donc, on fait quoi? Il n'y en avait pas la semaine dernière. C'est la pause. C'est la pause, ouais. Ouais. Le jeu à boire, on avait deux choix. Soit on fait... Qu'est-ce que c'était? C'était soit quand il y a un mec qui dit « je suis bleu » ou « je suis rouge », c'était ça, non? Voilà. Ouais, ouais, ou jaune. Un mec qui se revendique de son équipe d'avant après la réunification. D'accord. Donc on fait ça, du coup. Moi, ça j'aime bien. Ouais, ouais. Why not? Allez, parce que je pense que vu comment c'est parti, tu sais, il va y avoir des trucs de « hein, on est rouge, pas vrai ?» Et puis après, hop, ça va faire des petits trucs dans le coin avec Vincent. On refait pas le truc thématique de « à chaque couleur, on boit un truc différent » parce que franchement, c'est des mélanges horribles en plus. Donc vous buvez ce que vous voulez, les amis, des shots, peu importe. Même de l'eau, si vous voulez, parce qu'il y a des chances que même avec de l'eau, vous arriviez à vous rendre malade. Hein. Bon, ça rend pas malade. Si tu bois 6 litres, je pense que tu peux quand même commencer à avoir un peu mal au ventre. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Eh ben, écoutez, messieurs... On va voir les résultats la semaine prochaine. Ouais, de toute façon, comme d'hab, c'est moi qui vais tout noter. Hein. Exactement. Mais j'aime bien faire ça. C'est mon petit plaisir de compter, de faire des petits traits sur mon carnet. J'adore. Et ben, je vous propose de clôturer cette émission avec le petit conseil. Le conseil pas cher. Les vrais savent. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors, eh bien, du coup, je vais commencer ce conseil. Et comme vous le savez, si vous avez écouté Lucas, Louis et Sonia la semaine dernière, en tout cas, c'est que, eh bien, j'ai passé une semaine à Barcelone et je voulais faire cette non-recommandation contre les Catalans. Les Catalans qui sont, eh bien, des magnifiques gros cons. Puisque ils ne parlent, la première chose évidemment, c'est qu'ils ne parlent rien d'autre que catalan. Donc, si vous voulez parler à un catalan, eh bien, apprenez le catalan, puisqu'ils ne parlent pas castillan. Et le castillan est bien différent du catalan. Ce qui fait qu'ils ne parlent pas non plus anglais. Évidemment, ils ne parlent certainement pas français, puisqu'ils nous haient, j'ai l'impression. Tout le monde fait la gueule. Alors qu'il fait du soleil, il fait 25 degrés au mois d'avril à Pâques. Ils ont la mer, ils ont plein de commerces, et la vie ne coûte rien. Donc vraiment, j'ai détesté cette population qui ne mérite pas qu'on aille dépenser tout notre argent de vacances là-bas. Voilà. Donc Franck, tu fais dans le racisme anti-blanc Non, on rigole. Honnêtement, hein, je suis arrivé à l'aéroport. Le gars, pour vous dire à quel point c'est des gros neuneux. Hein. J'arrive et je dis, ok, mec, je veux aller à Barcelone. Donc, je dis en anglais, est-ce que tu parles anglais? Le mec, il fait a little bit. Je fais, ok, d'accord, ça va être compliqué. Comment je vais aller pour aller à Barcelone depuis l'aéroport? Donc, évidemment, il y a une ligne de métro, un train. Donc, pas compliqué de me dire où est-ce qu'il faut s'arrêter, tu vois. Et le gars, il dit, je sais pas, I don't know. Et il me laisse me démerder, tu vois. Le mec, à l'aéroport, il sait pas parler anglais. Aéroport international. Et je dis, mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Non, mais c'est gros neuneux, mec. Enfin, laisse tomber. Et dans toute la ville, c'est comme ça, c'est insupportable. Bah, t'aurais dû partir avec Sonia, parce que c'est un peu comme C3PO, elle parle toutes les langues. J'aurais dû. Bah oui, mais je voulais laisser, alors. Démonstration. Tabernacle. Merci, Sonia, pour cette démonstration. Donc, c'est à mon tour. Donc, vendredi soir, je suis allé voir donc Grave. C'est ça, ouais. Grave en français. Row en anglais. Donc, c'est un film de... j'oublie son nom. Mais c'est une réalisatrice française qui a fait son premier film. Son premier long métrage, en tout cas. Et c'est un film qui nous raconte l'histoire d'une meuf dont j'ai oublié le prénom et qui débarque en études de vétérinaire. Elle est végétarienne. C'est réalisé par Julia Ducournau. Ah voilà, parfait, merci beaucoup. Et la, l'actrice s'appelle Garance Marie. Voilà, exactement. Très mignonne. Très mignonne. Justine dans le film. Elle débarque pour sa première année d'études de vétérinaire, il me semble, en Belgique. Et là, commence son bizutage. Donc, elle, alors qu'elle va se coucher, des mecs rentrent cagoulés dans sa chambre, balancent toutes ses affaires par la fenêtre. Elle commence ses études et le lendemain, en fait, on lui fait manger une rate de lapin cru. Et c'est la première fois de sa vie qu'elle mange de la viande. Et là, s'opère un changement. Elle commence à être à se lever pendant la nuit, manger des cuisses de poulet cru. Et en fait, elle devient cannibale. Et donc, c'est un film voilà, qui nous raconte la transformation de cette fille en une cannibale. Donc voilà, elle va, donc âme sensible, s'abstenir. On voit Justine manger de la viande humaine. Cru. Donc, n'allez pas voir ce film si vous n'aimez pas ça. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc, c'était un film d'horreur en soi. Si vous n'avez pas la viande humaine crue, ouais. Attention. Ah bon, écoutez, ça c'est votre problème. Hein. Chacun son régime. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un film d'horreur. Et moi, en fait, je pensais que je n'aimais pas les films d'horreur. Voilà, il faut le dire, je pensais que les films d'horreur, ce n'était pas pour moi. J'adore Alien, parce que je sais pas pourquoi, mais j'arrive à regarder Alien. Mais j'ai l'impression que les jumpscares, en fait, ça me terrifie. J'ai peur des jumpscares. Je trouve que c'est la pire chose du monde. Je déteste sursauter. Et Grave est un film d'horreur sans jumpscare, sans moment où vous sursautez. Donc, c'est un film qui utilise l'ambiance, le gore et toutes ces choses-là pour vous mettre mal à l'aise, en fait. Et vous êtes tout le temps mal à l'aise pendant le film. Et ça marche très bien. Après, voilà, il y a quelques trucs dont je pourrais reprocher au film. Donc la fin est un peu... voilà, on vous balance le nom du titre en énorme pour vous dire, voilà, c'est la fin, parce que sinon vous pouvez pas forcément deviner que c'est la fin du film. Et moi, je suis allé le voir donc à Dublin avec des amis étrangers. Et en fait, le film est très très français. En fait, par exemple, le bizutage à la manière française, c'est un truc qui est pas du tout connu de certaines cultures, tu vois. Donc j'ai dû expliquer à des potes pourquoi tout d'un coup il y avait des mecs cagoulés qui rentraient dans sa chambre, tu vois. Ils étaient en mode, ils ont pas compris, ils ont cru que c'était une performance chelou et que c'était un film presque abstrait parce qu'ils pouvaient pas. En fait, le film prend pas le temps de raconter ce que c'est et d'expliquer ce que c'est, donc pour des étrangers ça marche pas. Mais sinon, c'est un assez bon film que je vous recommande si vous êtes prêt à regarder une meuf bouffer de la viande humaine. Alors, si je peux me permettre un petit aparté, le jumpscare, je suis totalement d'accord avec toi, notamment parce que je trouve que c'est le ressort du pauvre pour faire du film d'horreur, toi. Bah ouais. C'est vraiment un film d'horreur avec enchaînement de jumpscares, notamment, comment ça s'appelle, tu vois, Paranormal Activity. Toi, voilà. C'est le summum du truc tout pourri. Exactement. Alors que tu vois, pour moi, un très très bon film d'horreur dans lequel il me semble qu'il n'y a aucun jumpscare, c'est La Maison des Mille Morts de Rob Zombie, qui est House of a Thousand Corpses, qui est juste un film terrifiant. C'est terrifiant. Mais c'est terrifiant par l'ambiance, tu vois, par le jeu d'acteur, par la manière dont c'est filmé, mais à aucun moment il y a. Il y a du gore ou il y a du jumpscare, et pourtant c'est un film d'horreur fabuleux. Ok. On continue, hein. Est-ce que ce que vous aimez pas, c'est le. Parce que moi j'aime pas les jumpscares, donc je déteste être surpris par un truc qui me fait peur, mais je trouve la peur du jumpscare super efficace. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant quand dans un film il y en a que un ou deux, mais à partir du moment où il y en a un, t'es trigger et tu sais que tu vas avoir peur qu'il y ait d'autres jumpscares, et du coup quand il y en a pas. Tu vois, il y a cette espèce de satisfaction qui recommence. Et du coup, je trouve que c'est insupportable quand il y en a beaucoup, mais je trouve que quelques-uns distillés au milieu, évidemment, d'une peur plus terrifiante et plus, installée par l'histoire et la réalisation, du coup, fait un mélange que je trouve assez intéressant des fois. Ouais, je sais pas. Moi, en fait, le truc, c'est que ma peur du jumpscare est tellement horrible que j'ai peur à n'importe quel film, tu vois. En fait, par exemple, il y a un jumpscare dans Harry Potter et la Coupe de Feu, qui fait que dès que je vois un film Harry Potter, ouais, j'ai peur des jumpscares, en fait. J'ai peur des jumpscares dans tous les films, parce que c'est un truc qui est aussi utilisé dans le cinéma hollywoodien classique, tu vois. Surtout avec la 3D, d'ailleurs, ça a été un truc ultra utilisé avec les films 3D. Donc moi j'ai tellement peur que il suffit pas d'un jumpscare pour m'instiller cette peur, je l'ai même sans aucun jumpscare, donc je peux pas. Alors que quand même, tout le monde sait bien que le Harry Potter qui fait le plus peur, c'est celui avec la chambre des secrets dans le 2, où il se balade tout seul dans les couloirs et on entend une voix qui parle en fourche langue, et ça c'est terrifiant. Et donc voilà. Et ouais, du coup ça fait bien plus peur, effectivement. Très bon exemple, Harry Potter. Bon, du coup c'est à moi. Ouais. Et ben moi je vais vous faire une petite reco gentillette cette semaine, parce que je vous avoue que je savais pas trop quoi parler. Et donc je vais vous recommander un jeu vidéo très mignon qui s'appelle Hidden Folks, et qui en fait est tout simplement un Où est Charlie virtuel. Et du coup c'est très sympa, c'est dans des environnements qui sont aussi grands que ceux de la BD Où est Charlie, en noir et blanc, avec plein de petits personnages partout qui font plein de petites choses. Et donc, vous devez retrouver non pas un seul personnage ou des lunettes ou ça clique comme dans Charlie, mais des personnages très précis et qui dépendent de l'environnement. Et du coup, c'est très rigolo. Il y a plein de petites interactions, forcément, qu'il peut pas y avoir dans un livre. Donc, dès qu'il y a une porte, on peut cliquer dessus pour l'ouvrir et il y a un mec qui est caché derrière. Tous les bruits sont faits à la bouche, donc c'est adorable. Il y a mention spéciale aux bruits de singes qui sont incroyables quand on leur clique dessus. C'est super sympa. Franchement, c'est super rigolo. Je crois que ça coûte pas très cher. Ça existe sur PC et sur mobile. Et du coup, n'hésitez pas à jeter un œil juste à la vidéo parce que c'est assez marrant. Il y a plein de petits twists rigolos et c'est très détendant d'y jouer. Franchement, il y a des environnements qui sont super drôles. Il y a vraiment cet humour de situation et de bordel perpétuel qu'il y a à chaque fois dans Où est Charlie. Et du coup, c'est très très bien. Donc ça s'appelle Hidden Fox. Donc finalement, comment dire, full caché, on pourrait dire. Je sais pas comment dire, personnage caché. C'est super sympa. Regardez le trailer pour vous faire une idée. Voilà. Ok. Eh ben super, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Hein. Ah bah ouais, on avait dit 40 minutes là, disons qu'on est un peu dépassé. C'est hein. Pas mal pour ce podcast. Évidemment, on vous remercie de nous écouter tous aujourd'hui pour ce 7e épisode déjà, qui marque, il me semble, bien quasiment la moitié de la saison. Il y a moyen, ouais, quand chance. Même pas mal. On tient le rythme, hein. Oui, oui, bien sûr, on est toujours là. Toujours, il est là. On va niquer ce soir. Mais what? Mais si tu souhaites être mieux, bref, je te la mettrai. Mais je m'en souviens, mais si, bien sûr que je m'en souviens. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Ok. Mais je reviens de trop loin, je crois. Oh là là. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Koh-Lanta Podcast, sur Twitter, @Koh-Lanta Podcast aussi. Où est-ce qu'on est d'autres? Sur PodCloud et sur SoundCloud. On vous remercie, on vous fait des bisous, un dernier mot. Bah écoutez, bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la réunification. Je pense bisous, que c'était bisous. Un bon dernier mot. Bisous.